suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups Humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse Sorcières, une série de Céline Duchesnay réalisée par Laurent Polleret. Au départ de cette série, il y a la sorcière comme femme puissante et depuis toujours, des hommes qui craignent les femmes savantes. Il y a aussi ces femmes âgées, isolées, indépendantes, qui vivaient seules et soignaient le voisinage et qu'on a voulu pousser hors du cadre jusqu'à les hisser sur des bûchers. Alors pour commencer, les personnages. Un médiéviste, un archiviste, 2 historiennes, des démonologues, des sages-femmes, une lavandière, une conservatrice et des inquisiteurs. Ensuite, le décor. Un procès en sorcellerie, la griffe du démon, la méfiance, la BNF, un manuel, la haine des femmes, du latin, de la magie, du paganisme, des savoir-faire, des dénonciations et l'ombre d'un chien. Aujourd'hui, premier épisode, on a froid dans le dos. Le mythe, c'est pour nous, mais ça a été, à une période précise, une réalité. Les sorcières, plus exactement, ça a été un crime officiellement réprimé. Non pas au Moyen-Âge, parce qu'on pense toujours que le Moyen-Âge est plein de sorcières qui sont chassées, c'est pas vrai du tout. C'est très exactement entre 1560 et 1660, dans la plupart des pays européens, certains un peu plus tardifs, comme la Pologne au XVIIIe siècle, où on a érigé des bûchers de sorcellerie. En France, ce n'était pas l'Église qui chassait les sorcières, parce que l'Église ne condamne pas à mort, les tribunaux d'Église n'auraient pas condamné à mort. Ce sont les pouvoirs laïcs, c'est-à-dire les pouvoirs princiers ou les pouvoirs royaux de ces périodes-là, essentiellement dans des pays qui étaient en grande crise, l'Allemagne. La plupart des sorcières qui ont été brûlées dans l'Allemagne de l'époque, le Saint-Empire romain germanique, qui était en fait fracturé en des centaines d'États, protestants ou catholiques, etc., qui étaient en pleine crise religieuse. C'était d'ailleurs l'époque de la guerre de 30 ans, avec un paroxysme de bûchers. De là, se sont passées très rapidement des choses nouvelles. À partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle, un peu partout en Europe, sauf dans quelques pays, on a cessé de persécuter et de brûler les sorcières. Un historien, Robert Mandrou, dit que c'est à cause du rationalisme qui a saisi les intellectuels. C'est un peu vrai, mais c'est surtout aussi parce que on a complètement changé d'époque. Au point de vue culturel, scientifique, théologique, on n'a plus cru au mythe des sorcières, à ce qu'on leur reprochait. On n'a plus du tout cru à ce genre de choses, sauf dans quelques pays européens, comme le Portugal ou la Pologne, ou les futurs États-Unis d'Amérique, qui, à la fin du XVIIe siècle, ont connu quelques persécutions également. Et on a, au XVIIIe siècle, considéré dans les pays philosophique, que c'était une superstition, la sorcellerie, mais pas digne d'être poursuivie en justice, et les malheureuses n'avaient pas à être brûlées. Alors le mythe des sorcières que nous connaissons a en fait été créé par ceux qui ont accusé ces femmes d'être des sorcières. On les appelle des démonologues. Ce sont des spécialistes de la science du diable. Et eux sont des gens d'église, sont des intellectuels, qui ont écrit des traités de chasse aux sorcières. Et le mythe des sorcières, ils l'ont composé de 3 choses. En fait, d'abord, c'est dirigé essentiellement contre des femmes. Ce sont des femmes sorcières, et généralement surtout des vieilles femmes, qui sont considérés comme étant des adeptes du démon, d'une secte démoniaque. Donc, le premier phénomène, c'est que la prétendue sorcière a été initiée à la secte démoniaque par un démon, et elle en porte la marque. La marque physique. La marque physique. On en reparlera. Sur une partie du corps. La deuxième chose, c'est qu'elle rend une sorte de culte caché et nocturne au diable dans des réunions. Hein, c'est en somme la messe diabolique. Elle s'y rend en balai ou à dos de démons dans des endroits écartés et puis elle fait des tas d'horreurs dans cette messe diabolique. On l'appelle le sabbat, ça n'a rien à voir avec le sabbat juif. Il s'agit tout simplement en fait d'une sorte de messe à l'envers, d'une messe diabolique dans un endroit écarté la nuit, une sorte de réunion d'une secte démoniaque cachée. Et puis après, au chant du coq, ces dames reprennent leur balai, quand elles savent bien le manier, parce que certaines ne savent pas le manier. On a eu ainsi des vols de sorcières qui sont tombées par terre par incapacité. Se sont mises à courir toutes nues dans la lande en Normandie, et donc elles ont été repérées comme telles. Donc elles repartent à la maison. Et elles se recouchent auprès de leur mari si elles en ont un, ou elles rentrent chez elles, et elles sont censées, à cause du démon, faire le plus de mal possible autour d'elles, en étant cachées. C'est-à-dire, on ne sait pas qu'elles sont sorcières, puisqu'elles ne l'avouent pas, bien sûr, c'est censé être une sorte d'énorme culte démoniaque, qui est l'ennemi et l'exact contraire du culte catholique. Et le mythe en question a survécu longtemps, lui. La croyance à un diabolisme des êtres humains tenté par une complicité avec le diable. Pierre Flukiger, vous êtes l'archiviste d'État de Genève. Est-ce que vous pourriez nous mener au procès de Michel Chaudron ? Nous allons chercher ce procès, cette procédure, puisqu'il s'agit de la procédure menée contre cette personne, et qu'ensuite ce sera le petit conseil qui va prononcer la peine. Où sont conservés ces papiers ? Alors, dans les archives d'État de Genève, dans un bâtiment ancien, mais cette procédure est conservée dans un coffre, puisqu'elle a un caractère extrêmement particulier. Pourquoi ? Parce que c'est en fait la dernière sorcière condamnée à mort à Genève. Trois clés. Il y avait trois serrures, donc trois personnes à réunir pour ouvrir le coffre. Dans ce coffre ? Alors, il y a différentes pièces que l'on aimerait ne pas voir disparaître. Il y a donc le procès, la procédure contre Michel Chaudron. Il y a aussi la procédure contre Michel Servet, l'hérétique qui a été brûlé à l'époque de Calvin à Genève. Alors, voilà la procédure. Alors, je vais vous lire. Il s'agit du procès de Michel Chaudron. Accusé, détenu pour sorcellerie, et on aura à l'intérieur les pièces qui documentent son procès. Procès de Michel Chaudron Lavandière, veuve de Louis Ducré, jeudi 4 mars 1652, premier jour. Pourquoi êtes-vous prisonnière ? C'est pour obéir à justice. Depuis quand êtes-vous prisonnière ? J'ai été emprisonnée ce jour 8 après-midi. N'est-il pas vrai que lorsque vous êtes allé rendre le linge que vous avez blanchi à l'adit royaume, vous êtes entré dans la chambre où était Pernette sa fille et que vous lui avez dit « Votre fille se portera bien, je vous crie merci ». J'avoue être entré dans l'adit chambre et avoir dit que sa fille se porterait bien, mais je nie avoir crié « merci ». N'avez-vous pas entendu parler les démons qui étaient dans le corps de ladite fille et qui ont dit en vous voyant « Voici la Michée, notre maîtresse ». Non, je n'y ai pas entendu. Les personnes qui étaient présentes dans la petite chambre ne vous ont-elles pas dit que vous deviez ôter les malins du corps de ladite fille ? Oui, mais je leur ai répondu que je ne pouvais ce faire pour n'en avoir la puissance. N'avez-vous pas frappé la dite fille sur le bras en parlant en italien au dit démon? Non. Sommez de dire la vérité. Je l'ai dite. Michel Poré, vous êtes professeur d'histoire moderne à l'Université de Genève et nous sommes là aux archives d'État de Genève face à une grande enveloppe qui contient donc le procès inquisitoire de Michel Chauderon. Alors est-ce que vous pourriez nous dire qui était Michel Chauderon ? Michel Chauderon donc, est la dernière femme accusée de crime de sorcellerie qui est exécutée à Genève. Son cas est un cas emblématique de beaucoup de femmes accusées de crimes de sorcellerie au XVIIe siècle. Mais il a une particularité, d'abord d'être la dernière femme mise à mort dans le ressort genevois. Et il a une particularité parce que finalement, je crois que c'est un cas qui illustre la fin de la grande chasse aux sorcières. Et cette fin de la grande chasse aux sorcières qui se dénoue au XVIIe siècle dans les trois dernières décennies, hein, entre 1650 et 1680 à peu près, on peut rappeler la grande ordonnance de Louis XIV en 1682 qui met fin officiellement au crime de sorcellerie et qui le remplace par la poursuite du crime d'empoisonnement. Le dossier de Michel Chauderon est intéressant dans ce sens-là puisque finalement on retrouve tous les ingrédients d'un procès de sorcellerie à l'intérieur de cette petite affaire. On retrouve l'accusation, on retrouve le procès, on retrouve l'utilisation de la torture pour produire l'aveu, on retrouve ce geste extrêmement curieux, médico-légal, qui consiste à rechercher sur le corps dénudé et rasé de la femme accusée de sorcellerie la marque, c'est-à-dire la preuve corporelle de son allégeance satanique. On retrouve une exécution. Les éléments biographiques ne sont pas très nombreux. Que sait-on de Michel Chauderon ? Donc c'est une Savoyarde, c'est une catholique, qui émigre à Genève au début du XVIIe siècle, qui remplit toute une série de petites fonctions sociales, on pourrait dire en étant un peu anachronique, qui appartient au prolétariat local d'une certaine manière, hein, métier servile, blanchisseuse, ces petits métiers qui font vivre la ville. Et je dirais que l'élément biographique est d'autant plus compliqué puisque les femmes accusées de sorcellerie, comme d'autres criminels, lorsqu'ils sont exécutés, il n'y a pas de trace dans les registres d'état civil. On ne sait pas exactement ce qu'on fait. Alors là, le cadavre, évidemment, il est brûlé, il est dispersé aux quatre vents, etc. Donc il n'y a plus de trace dans l'état civil. Les biens sont confisqués, mais c'est une formule presque rhétorique de la justice parce qu'elle a très peu de biens, elle doit avoir quelques hardes. On ne sait pas véritablement où elle loge, quelque part sur la périphérie de la ville. Donc très peu d'éléments biographiques, ce qui est une caractéristique assez large en tout cas des individus qui sont happés, notamment au XVIIe siècle, par la procédure judiciaire. Il n'y a pas de sorcières qui ont écrit des mémoires. Il n'y a pas de sorcières qui ont écrit... Elle est illettrée, hein, donc elle ne sait pas signer sa procédure. Donc elle fait partie d'un monde culturel, je dirais, extrêmement différent du monde culturel auxquels appartiennent les magistrats, les médecins qui s'occupent de Michel Chauderon. L'Église a inventé un grand ennemi mythique. Robert Muchamblay, historien. Et qu'elle l'a trouvé parmi les pires êtres humains, c'est-à-dire les femmes. Et en particulier les vieilles femmes. Les vieilles femmes de village, car non seulement ce sont des femmes et des vieilles femmes, mais ce sont des rurales. On n'a presque pas brûlé de citadines. Il y a des hommes aussi qui ont été hommes. Il y a eu des sorciers aussi. Il y a eu des sorciers, mais les statistiques donnent en gros 80% de femmes et 20% d'hommes. Ce qui est absolument étonnant, parce qu'il n'y a aucun autre crime, à part l'infanticide, qui soit féminin. Pourquoi les femmes et pourquoi les vieilles femmes ? Parce que la femme est considérée comme largement inférieure à l'homme. Mais au XVIe siècle, à la fin du XVe et au XVIe siècle, il y a eu une poussée de conception médicale négative de la femme supérieure à ce qui se passait précédemment. Depuis l'Antiquité, on savait que la femme sent très mauvais, qu'elle pue par nature. C'est écrit dans les récits, vous appuyez sur des récits, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est écrit par les médecins grecs ou par les médecins de l'Antiquité tardive. C'est véritablement une manière aussi de dire qu'il y a une infériorité de nature entre la femme et l'homme, que la femme est inférieure par nature. Mais le XVIe siècle, lui, pour des raisons religieuses et morales essentiellement, c'est le temps de la réforme des guerres de religion, s'est mis à réfléchir en considérant que la femme qui serait capable de se diriger elle-même et ne pas obéir aux hommes est un danger extraordinaire. On y a ajouté donc à la femme inférieure par nature la nécessité d'une sujétion complète, définitive, totale, juridique. En somme, la femme ne peut pas être sans une tutelle masculine, sinon elle est incapable de faire son salut. Et les vieilles femmes, par nature, que se passe-t-il ? C'est qu'elles survivent plus que les hommes, comme aujourd'hui. Et ces vieilles femmes, en somme, sont considérées comme des dangers parce qu'elles ne sont plus sous tutelle masculine. Et puis, on leur reproche très vite, surtout si elles ont eu 3 ou 4 maris dans leur existence, de les avoir fait mourir par philtres diaboliques et autres. Parce que la femme est naturellement mauvaise. C'était, dès le début du christianisme, inscrit dans le paradis perdu et Ève face au serpent. Mais donc, il y a eu une poussée d'antiféminisme extraordinaire, et elle s'est placée sur les vieilles femmes à partir de la deuxième moitié du XVIe siècle, surtout dans les pays catholiques, mais également dans les pays protestants. Les vieilles femmes sont devenues en somme un peu les dangers potentiels de la société masculine. En plus, dans les campagnes, la plupart des vieilles femmes en question sont des guérisseuses. Il n'y a pas de médecins, pas beaucoup de médecins dans les campagnes à l'époque, quelquefois pas du tout, pour tout problème naturel, blessures, maladies, problèmes quelconques, animaux qui crèvent, il faut trouver des solutions. Donc on va réclamer l'aide d'hommes ou de femmes guérisseuses. Il y a des hommes guérisseurs, mais les femmes, comme elles sont dès le point de départ considérées comme mauvaises, diaboliques et dangereuses, entrent dans un circuit juridique où on décide de les exterminer afin que la secte diabolique ne puisse pas continuer. En plus, on les accuse, les sorcières, les prétendues sorcières, au sabbat, de tuer des enfants sans baptême et de faire une cuisine diabolique avec ses restes d'enfants pour composer des onguents épouvantables, des philtres, des potions, etc. En somme, la femme vieille qui est ménopausée est, dans cette période-là, surévaluée comme diabolique. Ça dure un siècle à peu près, et on brûle énormément de vieilles femmes sorcières. Certaines, on a une, je me souviens d'un cas à Douai, elle devait avoir 100 ans ou à peu près, il a fallu la hisser sur le bûcher avec un palan parce que elle ne pouvait pas elle-même monter sur le bûcher qui était préparé pour elle. C'est ainsi. Jacques Lefebvre et Marianne Clausson, pourquoi les sages-femmes ont-elles autant été stigmatisées ? pendant la période de la chasse aux sorcières. J'ai lu récemment, mais je ne sais pas si c'est exact, tu vas me dire c'est exact, j'ai vu que dans le mot sage-femme, bon, on voit ce mot apparaître, disons, au Moyen-Âge, et ça veut dire normalement femme experte, mais dans sage, il y a saga, oui, la sorcière. Et on voit bien que les sages-femmes, donc c'est celles qui vont, pendant des siècles, c'est elles qui vont être chargées de la naissance, et petit à petit, elles vont être exclues du phénomène de la naissance, c'est-à-dire que tout le savoir féminin va être totalement marginalisé. Et d'ailleurs, le nombre de sages-femmes accusées d'être des sorcières dans les procès de sorcellerie est considérable, puisque finalement, un enfant qui ne vient pas au monde, eh bien, on peut se retourner contre la sage-femme et dire, en fait, c'est une sorcière. Et donc, tout d'un coup, il y a une sorte de soupçon qui est sur l'ensemble du savoir féminin qui est posé à partir de l'accusation de sorcellerie. C'est-à-dire qu'on va à la fois accuser les sages-femmes de tuer les enfants à la naissance pour justement les emmener au sabbat pour leur rituel, ou de les emmener pour les offrir au diable, ou même de substituer aux enfants de la femme qu'elle vient d'accoucher des enfants du diable. On a ainsi des phénomènes comme ça, parce qu'un enfant ensuite qui a un problème psychique, on dira « Ah, c'est parce que c'est un enfant du diable, il s'est substitué à la naissance par les sages-femmes ». Donc les sages-femmes sont très souvent, effectivement, mais parce que ce rôle symbolique de la mise au monde, évidemment, ça leur donne un pouvoir considérable. Et donc elles sont immédiatement soupçonnées dès qu'il y a un problème. 6 mars 1652, troisième jour, rapport des maîtres chirurgiens. Nos maîtres chirurgiens sous-signés, commis de la part de nos magnifiques et très honorés seigneurs pour aller visiter Michée Chaudron, détenu dans les prisons de cette cité, dès environ 8 jours en ça, accusé d'être sorcière. Et après le serment par nous prêté, de voir si ladite Chaudron n'était point marquée de quelques marques qu'on a accoutumé de trouver aux sorcières, l'avons exactement visité par toutes les parties de son corps, et ayant remarqué quelques stigmates sur elle, lui avons bouché les yeux. Puis, par le moyen de notre aiguille, avons éprouvé quelques marques où elle a eu un sentiment de douleur extrême avec perte de sang. Hormis en celle qui nous est apparue, 3 doigts sous la mamelle droite de la grandeur d'une lentille. Et y ayant introduit la dite aiguille longue d'un grand doigt, l'avons poussée entièrement dedans de la longueur du doigt, sans qu'il n'y eût aucun sentiment, n'étant point sorti de sang de la dite piqûre, même pas l'aiguille teintée du dit sang. Toutes lesquelles choses ci-dessus déduites nous font juger que c'est une marque du tout extraordinaire et suspecte. La procédure de sorcellerie, c'est qu'on va chercher la marque diabolique, d'abord. Alors, quelle est la preuve ? C'est une marque faite par la griffe du démon dans un endroit quelconque du corps de la femme. Plus souvent vers le sexe, quelquefois au fond de l'œil, enfin un peu n'importe où. Un spécialiste, qui n'est pas un tortionnaire, va venir avec de longues aiguilles d'argent et... pendant qu'on détourne l'attention de la dame totalement nue, totalement rasée, et la preuve d'une marque diabolique, c'est un endroit qui n'est pas normal sur le corps, une tache, un bouton, etc., où l'aiguille s'enfonce sans causer de douleur ni épanchement de sang. On le note dans le procès-verbal, on en a trouvé 3, on a trouvé 5, donc elle est. Alors à ce moment-là, on peut décréter la torture qui va continuer, qui va être autre chose. Le corps diabolique est différent, parce que les corps peuvent être différents si le démon le veut. Si bien que le corps diabolique de la femme est différent, elle est supposée pouvoir voler dans les airs, elle est plus légère que l'air. Il y a en Hollande, encore aujourd'hui, la trace de la balance d'Onderwater, une ville de Hollande, où on pesait les sorcières, pour voir si leur apparence corporelle et leur poids étaient concordant. Si le poids était très inférieur, c'était la preuve de sorcellerie. Une autre preuve de sorcellerie, d'origine populaire, mais reprise par les intellectuels, c'est ce qu'on appelle la preuve par l'eau. Quand on suspecte une sorcière, on la dénude, même sans jugement, ça peut être une affaire populaire, un groupe de jeunes gens qui fait ça, on la jette à l'eau. Si elle flotte, elle est sorcière. Si elle coule, elle est normale. Mais elle est morte. Eh, ça, c'est pas le problème. En d'autres termes, le corps en question, le corps de la sorcière n'est pas normal. Nathalie Coyer, nous sommes ici dans la réserve des livres rares de la BNF. Et qu'est-ce que nous avons devant nous ? Alors, nous avons deux éditions d'un même texte, le Malleus Maleficarum, qui est donc en français, le marteau des sorcières, un texte qui est un manuel de lutte contre l'hérésie, contre les sorcières au cas particulier. Et nous avons deux éditions qui se présentent de manière très différente. La première est extrêmement importante pour nous puisqu'il s'agit de la première édition imprimée de ce texte. Elle a été imprimée en 1487 à Spire et qui est imprimée à deux colonnes de texte selon une habitude médiévale. Vraiment, c'est un texte qui a une apparence complètement médiévale. L'autre, c'est une même édition de ce texte, mais elle est parisienne. Elle est largement postérieure, elle date du début du XVIe siècle. Cette fois-ci, elle est imprimée selon une forme qui nous est peut-être plus familière. Et à côté, c'est un tout petit livre qui pourrait tenir dans la poche. Et on sent que le format même de ce texte nous dit quelque chose de son usage également. Pourquoi ? Parce que petit livre, ça veut dire quoi ? Qu'on transporte plus facilement ? Probablement plus maniable, effectivement, ça peut tenir dans une poche. Mais encore une fois, le premier texte, celui qui est plus grand, correspond à un format qui est peut-être un peu difficile pour nos yeux, mais pour un lecteur médiéval, c'est un texte qui est très facile à lire. À la fin du XVe siècle, il y a un livre qui paraît, qui est le Malleus Maleficarum, qui est un manuel de chasse aux sorciers par deux inquisiteurs, dont un qui est un spécialiste de l'Inquisition et qui finira ses jours en Moravie, par là-bas, probablement exécuté par les gens qui commençaient à incommoder. Et là, Maleficarum, c'est la Malefica, c'est-à-dire c'est une femme, c'est lui qui crée le mythe, enfin tout au moins le portrait sociologique de la femme pauvre qui, évidemment, a des dons et qui se venge en allant au sabbat. Elle reçoit un certain nombre de pouvoirs et elle vient s'attaquer à la communauté villageoise. C'est le modèle habituel dans les campagnes, mais il y a aussi les grandes affaires du XVIIe siècle, quand on y pense, mettent en scène des sorciers hommes aussi encore. Hein, donc c'est très délicat de dire qu'il n'y a que des sorcières. Hein. C'est le modèle qui est resté, parce que c'est celui qui a été formé par les inquisiteurs, hein, mais ce n'est pas forcément celui auquel il faut se référer, quoique lorsque l'on fait au XVIIe siècle, lorsque l'on fait des statistiques par région, lorsqu'on a des procès, on a des noms, etc., les femmes apparaissent beaucoup plus fréquemment, de l'ordre de 80%, hein, comme les victimes exécutées, en tout cas. C'est un livre qui est entièrement anti-féminin, hein, donc contre les femmes. Les femmes sont à l'origine de toute la perversion du genre humain. Et donc, c'est un manuel pour les inquisiteurs. Donc, très rapidement, on l'a compris. Les inquisiteurs partent avec ce petit format, avec le livre dans la poche. Et quand ils ont un problème, eh bien, ils consultent ce manuel et la façon dont ils doivent régler la question, la façon aussi dont ils doivent comprendre ce que raconte le personnage qui est dont on trempe les pieds dans les braises ou qu'on suspend une corde, hein, donc il est sous les tortures, donc la femme va raconter ses histoires et elle va se, on va induire ses paroles, on va la conduire à dire ce que finalement l'inquisiteur a envie qu'elle dise, c'est-à-dire qu'elle a participé au sabbat. Questio quinta decima super tormenta continuanda et de caotelis et signis quibus cognoscere potest iudex maleficam et commodo se ab earum maleficiis debet premunire et commodo sint abrandende et ubi sua abent maleficia abscondita cum declarationibus variis ad obviandum maleficio taciturnitatis et est actus undecim. Question 15, 11e action, suite de la torture. Ruses et moyens qui permettront au juge de connaître à fond l'accusé, comment il doit se prémunir des maléfices des sorcières, raser les sorcières là où elles cachent leurs maléfices, éclaircissement pour parer aux maléfices de taciturnité. Que doit faire le juge dans la poursuite de la torture ? On doit noter d'abord ceci. De même que pour tous les membres, il n'y a pas une seule et même médecine, mais des médecines diverses et particulières, selon des membres divers et particuliers. De même pour tous les hérétiques ou dénoncés pour fait d'hérésie, la même procédure d'interrogatoire, d'enquête et de questions est à garder quant à ces articles. Mais dans l'examen, elle doit être variée et diversifiée selon la réalité des sectes et des personnes. Aussi le juge médecin prudent, qui s'efforce de faire l'ablation des membres corrompus et des brebis galeuses pour les séquestrer loin des innocents, ce juge reconnaîtra que l'on ne peut lui donner une règle infaillible et même qu'il ne serait pas sage de lui en donner une pour traiter la sorcière atteinte de taciturnité afin de l'en débarrasser. Super tormenta continuanda et de caotelis et signis quibus cognoscere potest iudex maleficam et commodo se ab earum maleficiis debet premunire. Cette édition, qui est donc la première, elle est aujourd'hui conservée en un grand nombre d'exemplaires, ce qui est un indice. Les catalogues spécialisés pour ce type d'ouvrage permettent de savoir qu'aujourd'hui, 75 institutions dans le monde conservent au moins un exemplaire de ce livre. C'est énorme pour cette époque. C'est vraiment un indice, pour le coup, quand même assez fiable et assez pertinent du fait que ce livre a vraiment été très diffusé. Et puis qu'on l'a aussi conservé parce qu'il avait quand même... Cette vocation à servir, à être lue par un certain nombre de personnes qui avaient des bibliothèques elles-mêmes. Enfin, voilà, il y a une espèce de chemin de conservation qui est assez logiquement tracé. Des choses plus modestes peuvent avoir été paradoxalement moins bien conservées parce que finalement c'était d'un usage plus court dans le temps. Et là, ce caractère aussi, je ne sais pas si on peut parler d'un texte officiel, mais enfin, encore une fois, ce sont deux inquisiteurs qui ont été nommés qui rédigent ce texte. Fait qu'il a été bien conservé, bien diffusé, c'est une évidence, et aussi bien conservé. Donc aujourd'hui, 75 exemplaires conservés dans le monde d'un ouvrage du XVe siècle, c'est vraiment significatif. Et puis bon, il y a enfin moi je pense que donc dans toute société traditionnelle, bien sûr, il y a une dimension magique. Il faut quand même savoir que le judéo-christianisme s'est battu contre cette dimension magique. Il y a une condamnation des sorciers dans la Bible, il y a une condamnation de la divination dans la Bible. Et en même temps, ça n'a pas empêché l'Église d'être fascinée par les astrologues, etc. Et on peut dire qu'à partir du XVIe siècle, enfin, c'est l'une des explications, c'est-à-dire que la sorcellerie démoniaque, c'est une façon d'éradiquer tout ce qui est magique dans la société. Et on s'aperçoit à un certain moment que ceux qui se définissent comme scientifiques rejettent justement dans les marges tout ce qui n'est pas leur nouveau critère de pensée. Et aussi, on s'aperçoit au même moment que la christianisation européenne a raté son coup. C'est-à-dire que, en fait... Les campagnes en particulier ont fait semblant en quelque sorte de devenir chrétiennes, mais qu'en fait sous le terme de christianisme, on a réintégré toutes les croyances diverses, selon les endroits, une sorte de croyance animiste en fait. Donc on s'aperçoit qu'à ce moment-là, l'Église veut reprendre pied dans ces zones-là et va soit éradiquer complètement en disant c'est de la sorcellerie, c'est le diable, il faut les tuer, soit récupérer ces personnages en faisant des saints. Donc on a une reconquête, une vraie reconquista en Europe, et en particulier en France d'ailleurs, pour essayer d'installer le pouvoir centralisateur du christianisme, puisque c'est aussi le pouvoir de l'État. Michée Chaudron est conduite en chambre criminelle, interrogée si elle n'avait pas dit à M. le Geôlier qu'elle avait le cœur chargé. répond que cela ne lui tenait plus et que c'était le cœur qui lui battait. 30 mars 1652, 27e jour. N'est-ce pas le malin esprit qui vous empêche de décharger votre conscience ? Le diable ne m'en empêche pas. N'est-il pas vrai que le diable vous a marqué ? Non, je ne sais pas quand c'est advenu. Le diable n'est-il pas apparu à vous ? Non. Ne vous a-t-il pas marqué ? Je n'en sais rien. N'est-il pas vrai que votre corps est marqué en plusieurs endroits ? Oui, mais je ne sais pas quand cela est arrivé. Ne vous êtes-vous pas gratté sous la même aile droite où vous êtes marqué afin d'effacer la marque ? Je me suis gratté, mais je n'avais pas l'intention d'effacer la marque. N'est-il pas vrai que vous êtes marqué à la lèvre et à la cuisse ? Je ne sais pas, mais on le dit. N'avez-vous pas senti quand le diable vous a marqué ? Non, jamais il ne m'est apparu. N'est-il pas vrai que le malin esprit vous a incité à tenir silence et à nier la vérité ? Non, jamais il ne m'a parlé. On est dans un moment évidemment où le problème de la défense est un problème qui n'existe pas dans la procédure judiciaire, en tout cas dans les affaires de droit commun et d'autant plus d'affaires de sorcellerie. On n'imagine pas une sorcière venant avec un avocat, ça n'existe pas. De toute façon, la pratique de l'avocat n'existe pas. Elle est très précoce à Genève, elle commencera dans les années 1730. Donc c'est un face-à-face entre une savoyarde de 60 ans analphabète et un magistrat instruit qui a auditionné des plaintes qui ne sont pas formelles, parce qu'elles ne sont même pas à l'intérieur de la procédure. On ne sait pas exactement ce qu'elles ont dit, ces femmes. Hein. On ne sait pas ce qu'elles ont raconté. Et donc, c'est face à face. Et puis, finalement, on amène, comme une pièce d'échec, on amène l'incriminé avec ces questions qui reviennent, au point que l'on veut avoir, c'est-à-dire produire ce que l'auditeur estime être la vérité à ce moment-là, d'autant plus après les visites médico-légales, c'est-à-dire qu'effectivement, elle a affaire avec la sorcellerie. Et cette procédure inquisitoire permet de documenter ces deux nouveaux réponses de Michel Chaudron. Hein. Ici, dans la chambre criminelle, c'est-à-dire qu'elle va être torturée. C'est assez long. On va rechercher des médecins. Hein, donc c'est la deuxième expertise médico-légale. Troisième expertise médico-légale. La confession de Michel Chaudron. Et puis une dernière réponse personnelle. Donc c'est une petite procédure fragile hein, que l'archiviste de Genève maintenant garde précieusement dans son coffre. Mais ce qui est intéressant, hein, c'est qu'on voit à quel point, derrière cette fragilité du papier, eh bien, il y a une puissance pénale, une puissance normative énorme, puisque finalement, la procédure fermée, il y a une vie en moins. Et c'est ça, la force symbolique et la force réelle de ces procédures criminelles. Réponse de Michel Chaudron étant en chambre criminelle, interrogée si elle n'avait pas disposé à confesser son crime. Répond qu'elle y était disposée moyennant assistance de Dieu. 31 mars 1652, 28e jour. Confessez franchement votre crime et dites-nous quand vous vous êtes donné au diable. J'ai dit tout ce qu'il m'est arrivé et je ne veux pas faire tort à la justice en vous disant des mensonges. La dite ombre ne vous est-elle pas apparue autrefois ? Quand autrefois, en venant de colonie, étant seul, il y eut quelque chose qui me parla. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Je n'entendis rien. Seulement, il me poussa comme pour me jeter par terre. Comment était la dite ombre ? C'était comme la forme d'un gros chien. C'était il y a longtemps ? Il y a un an et demi. Vous a-t-il poussé par terre ? C'était par derrière. Qu'est-ce que vous avez dit ? Je n'ai rien dit. Sinon que je me suis recommandé à Dieu, après quoi la dite ombre a disparu. Cet esprit malin ne vous est-il pas sollicité à vous donner à lui ? Oui. Quand ? Il y a 6 mois, lorsque cette ombre en forme de chien m'est apparue. Qu'avez-vous répondu à la demande que le diable vous a faite ? Que je me donnais à lui. Jean-Michel Salman, est-ce que vous pourriez nous raconter comment se passe un procès de sorcellerie ? Est-ce qu'il y a un certain nombre d'étapes ? Oh oui. D'abord, la dénonciation. Alors, on peut être dénoncé pour quoi, par exemple ? Est-ce que c'est le sabbat ou est-ce que c'est une vache qui va mal? Est-ce que c'est un enfant qui pleure trop? Généralement, c'est une... Donc, la première dénonciation, c'est quelqu'un qui déteste un autre et qui le dénonce. Ça entraîne l'ouverture du procès. Ces procès sont à charge. Mais on ne peut pas dire un tel va avoir un procès parce que je le déteste. Non. On doit bien avoir quelques arguments. Non, c'est l'autre qui a des arguments. Parce que on ne sait pas, la dénonciation est anonyme. Il peut ne pas y avoir de dénonciation, le juge peut avoir entendu parler d'un cas, des gens qui parlent un peu trop, et qui disent « oh là là, il y a quelque chose qui se passe ». Donc qui convoque celui qui est censé être le sorcier ou la sorcière. Le procès est un procès secret, à charge, c'est le juge... C'est ça l'inquisition. Hein. C'est le juge qui dit oh, « j'ai fait une enquête et vous avez été accusé d'être un sorcier ». Et alors à ce moment-là, le personnage, que ce soit une femme ou un homme, commence à reconstituer l'affaire depuis le début. Il se dit « mais si je suis là, c'est parce que j'ai été accusé par tel, parce qu'il ne m'aime pas ou elle ne m'aime pas ». Mais le juge inquisiteur continue. Hein, il est convaincu qu'il a affaire à un sorcier. Et donc là, il a son moyen, quelque chose qui est irrémédiable, c'est la torture. Donc on le torture jusqu'au moment où il avoue qu'il a été, et généralement ils avouent, et qu'il dénonce d'autres personnes. Et à partir de ce moment-là, donc ça s'enchaîne. C'est-à-dire qu'on va faire venir l'autre qui a été dénoncé, etc., qui vont dénoncer d'autres, et ça ne s'arrête pas. Sauf évidemment intervention des autorités supérieures. Alors on avoue ? Alors on avoue, bah oui. Et on est brûlé. Si le juge vous considère que vous êtes véritablement un sorcier parce que vous avez avoué, même si après il dit non, vous avez avoué, c'est tout, vous êtes un hérétique, un apostat, vous serez brûlé. Et il est brûlé. Pourquoi brûlé ? Parce que c'est une hérésie et c'est une apostasie, c'est le crime le plus horrible que l'on peut faire dans une société chrétienne. Et donc c'est la punition la plus grande que d'être brûlé. La plus grande, voilà, c'est ça. Et pourquoi c'est la plus importante, la plus parce que vous ne laissez plus de traces. Vous êtes complètement, vous êtes brûlé, les cendres sont dispersées, le procès est brûlé avec la personne sur le bûcher, et vous disparaissez de l'humanité, vous êtes complètement éjecté de la société des hommes. Le 6 avril 1652, Michel Chaudron fut exécuté pour crime de sorcellerie, 70e et dernière personne à avoir été condamné à mort pour maléfice à Genève. Arlette Farge, vous êtes historienne du XVIIIe siècle et j'aurais souhaité savoir ce qu'étaient devenues les sorcières au XVIIIe siècle puisqu'on ne les brûle plus, il n'y a plus de bûcher. Non, heureusement, on ne les brûle plus au XVIIIe siècle, mais elles existent toujours, elles sont présentes et elles sont même très nombreuses. Elles sont avec des devineresses, des marchands d'onguents, des hommes aussi qui font des sortilèges, etc. Donc elles existent, mais c'est leur sort en fait qui est différent. Parce que en cette fin du XVIIe siècle, c'est au moment où la lieutenance générale de police de Paris se met en place, une sorte de contrôle qui va s'organiser sur les affaires judiciaires avec le Parlement de Paris pour en finir d'abord avec ces bûchers de sorcellerie qui ont quand même traumatisé l'opinion publique, surtout à ce début du XVIIIe. Et puis aussi parce qu'il y a, à la même époque, une influence très très importante des encyclopédistes, donc des philosophes, qui travaillent à cette époque-là sur la raison et qui veulent que la raison soit la première face à Satan. Et que Satan disparaisse. Dieu, on veut bien encore le conserver, mais invoquer Satan ou parler de Satan, il faut le reculer parce que c'est vraiment quelque chose qui est contre la raison. Donc il y a cette influence, et en même temps, ce qu'il y a d'assez extraordinaire, c'est qu'il y a quand même de nombreux intellectuels qui vont tout le temps faire des traités de magie, des traités de sorcellerie, ou bien des traités des listes de médicaments, et il y aura énormément de charlatans et d'escrocs. Et alors, la juridiction va changer son vocabulaire et va appeler ces personnes-là des faux sorciers. C'est au singulier, hein, c'est le terme, faux sorcier. Et même si on tombe sur une archive qui condamne un faux sorcier, et qu'elle c'est une femme, on l'appellera un faux sorcier. C'est dit au masculin. Et ce que je crois aussi important de dire, c'est qu'il y a une peur de la lieutenance générale de police et du contrôle policier sur la crédulité publique. Parce que ils ont peur, toutes ces croyances forment un désordre absolument fou. Donc, ces trois choses réunies font qu'effectivement, il n'y a plus de sorcières, comme vous l'entendiez, on l'entendait tous au XVIIe siècle, en tout cas, qui ne sont pas brûlées, mais elles sont condamnées avec des appellations tout à fait différentes. Alors, j'ai dit faux sorciers, on va aussi nommer quels sont les mauvais actes qu'elles font. Et donc, il y a des listes, vraiment. Alors, d'abord, la chose la plus importante, c'est le blasphème. Invoquer Satan, alors ça, c'est affreux, on part emprisonné à la Bastille. Invoquer Dieu et Satan à la fois, c'est pas très bien non plus. Et puis aussi tout ce qui sera l'ordre des sortilèges et aussi des guérisseuses, des avorteuses. En fait, de tout ce que voilà, tout ce qu'on a toujours pensé que faisaient les sorcières. Sauf que là, c'est compliqué à savoir pour nous historiens ou historiennes si elles sont des vrais escrocs. Parce que souvent, elles sont dites escrocs, mais peut-être qu'elles y croient. C'est vraiment une question qu'on peut se poser, et les interrogatoires de police ne peuvent pas nous le dire. Et puis, y en a d'autres qui y croient vraiment et qui pratiquent voilà, leur métier de guérisseuse et de fabricante de poudre, de toutes sortes. Et le quatrième univers sur lequel ils jouent, c'est celui de la médecine. Parce que la médecine est en train de faire beaucoup de progrès. Donc, effectivement, les gens qui ne sont pas guéris par les fameuses poudres ensorceleuses vont aller se plaindre à la police, contre ces femmes-là. Et les médecins vont prendre de plus en plus de poids, bien sûr. Ils prendront d'ailleurs de plus en plus de poids et d'importance au moment des accouchements, évacuant d'ailleurs les sages-femmes. Donc, on a un mouvement médical, de progrès médical, qui va aller aussi à l'encontre de toutes ces personnes qui produisent, vendent, escroquent, ou n'escroquent pas, hein, je laisse la chose parce que je ne peux pas y répondre, des personnes qui croyaient en elles. Jacob Rogozinski, vous êtes philosophe et auteur de « Ils m'ont haï sans raison, de la chasse aux sorcières à la terreur », où vous vous intéressez à la logique de la haine à travers la persécution de différents groupes, que ce soit les lépreux, les juifs ou les sorcières. Il y a une double image de la sorcière. Hein. Il y a la sorcière répugnante, la vieille femme dégoûtante, en haillons, etc. Et aussi la jeune sorcière très belle, la beauté du diable. Hein. C'est une figure très ambivalente aussi. Mais bon, il y a cette dimension de dégoût, sans aucun doute, aussi. Et ça se cristallise sur différents aspects. Disons que le corps des sorcières est un corps marqué. Bon, les objets de dégoût et d'exclusion des siècles précédents, juifs et lépreux, on les marquait du dehors. On imposait aux juifs de porter une marque jaune, aux lépreux d'avoir une crécelle et de porter un certain habillement. Dans le cas des sorciers et sorcières, surgit à la fin du XVe siècle cette idée qu'ils ont sur eux cette marque, dans leur chair, sur leur corps, qui porte la marque du diable. Mais qui n'est donc pas une marque visible auquel tout le monde a accès. Ça peut être une marque visible, ça peut être un grain de beauté, une verrue, une cicatrice, mais c'est le plus souvent une marque invisible. Cette idée très étrange que lorsque le diable s'assujettit à un homme ou une femme, il commence par faire l'amour avec. Il y a d'abord le coitus diabolicus, et en faisant l'amour avec, il met sa griffe ou sa marque. Il imprime son sceau sur le corps de la sorcière ou du sorcier. Et donc c'est tout un travail, toute une technique de déchiffrement du corps consistant à retrouver cette marque. Et cette marque, dit souvent chasseur-sorcière, elle se trouve dissimulée dans les endroits les plus répugnants possibles. Donc on va larder de coups d'épingle l'intérieur du sexe, l'anus, l'intérieur de la bouche, etc. Donc il y a un rapport de fascination-répulsion pour les parties secrètes et obscènes du corps, et une volonté de trouver là la trace du mal, c'est-à-dire la trace de cette jouissance monstrueuse qu'on appelle Satan. Et c'est pas un hasard, bon, il y a de la jouissance, puisque ça commence par faire l'amour, ça commence par le coït. Mais un coït très particulier, un coït qui est horriblement douloureux. Alors, dans la légende des chasseurs de sorcières, dans ces mythes sur les sorcières, encore une fois, c'est un mythe. Ça correspond à rien de réel, sans doute. Il y a cette idée que lorsque un homme, ou surtout une femme, fait l'amour avec le diable, c'est horriblement douloureux. C'est le sexe du diable est gigantesque, il est rissé d'écailles, il est glacé, il déchire les chairs en pénétrant. Donc, tout se passe comme s'il est dans l'imaginaire des chasseurs de sorcières, qui sont des hommes, un imaginaire très masculin, il fallait quelque part faire piller à la femme sa jouissance, lui faire payer le fait d'avoir joui cette jouissance surabondante, exorbitante, démesurée qu'est le coït avec le diable. Et donc il voit ça comme, il fantasme ça, ses bourreaux et ses juges, il le fantasme comme une torture. Cette torture qu'eux-mêmes vont infliger très violemment, jusqu'à la mort souvent, au corps de ces femmes. J'aimerais qu'on s'arrête sur un terme, celui de complot, de la conspiration. On parlait du complot des sorciers ou du complot des sorcières. Alors pourquoi est-ce un terme sur lequel vous avez beaucoup travaillé ? Oui, alors ça c'était une grande surprise parce que je ne suis pas historien de profession, je suis philosophe, donc je m'intéresse toujours à la logique de la haine. Et donc j'ai cherché des exemples concrets de phénomènes historiques où la haine se développait. Je me suis intéressé à la chasse sorcière et là j'ai découvert, et c'était vraiment une surprise pour moi, que bon, la chasse sorcière était sous-tendue par tout un imaginaire du complot. Je préfère pas parler de théorie du complot parce que c'est faire trop d'honneur au complotisme que d'en parler comme d'une théorie. C'est un imaginaire, un fantasme, ce que j'appelle un schème, c'est-à-dire une représentation puissante qui traverse les âges en se modifiant, en changeant de cible. Donc les lépreux et les juifs ont été persécutés dès le début du XIVe siècle parce qu'on les accusait de conspirer avec les musulmans d'ailleurs, avec le calife d'Espagne, de conspirer contre la chrétienté. Donc il y avait déjà cet imaginaire du complot. Bon, au siècle suivant, ce sont les sorciers et sorcières qui ont été désignés comme les agents de ce complot. Un complot diabolique visant à tout détruire, à remplacer l'église par le culte de Satan, bon, à subvertir le pouvoir. Alors cet imaginaire du complot, il traverse toute la chasse sorcière. Alors il y a un grand chasseur sorcière, enfin un théoricien de la chasse sorcière qui est Jean Bodin, qui était un conseiller d'Henri III, un philosophe, économiste, juriste, était un intellectuel de très haute volée. Il a écrit un manuel de chasse sorcière qui est absolument hallucinant, qui développe de part en part une théorie du complot quasiment délirante, tellement délirante que je me suis demandé s'il y croyait lui-même. Bon, j'en suis pas entièrement sûr. Donc pour lui, bon, le complot des sorciers est gigantesque. Ils sont aussi nombreux que l'armée de Perse, bon, du roi des Perses autrefois, c'est-à-dire plus d'un million et demi dans le royaume de France. Donc un Français sur 10 aurait été membre du complot. Ils sont infiltrés dans la magistrature, dans la cour, dans l'église. Et ils suggèrent même que le roi, l'empereur d'Allemagne, certains papes sont membres du complot. Donc on a une vision complotiste tout à fait délirante qui appellerait, comme riposte, une persécution très massive, féroce, une extermination de masse. Heureusement, Bodin n'a pas été suivi par les juges et les politiques de son époque, heureusement. Bon, mais alors ça va réapparaître par la suite. Une fois que la chasse sorcière s'arrête, ce schème, ce fantasme du complot persiste. Simplement, il va trouver une nouvelle cible. On va parler du complot des jésuites, puis des francs-maçons, du complot juif. Ça, c'était le leitmotiv du nazisme. Alors, nous pensions tous que c'était fini, que le complotisme avait disparu en même temps que Hitler. Bien non, bon, depuis une dizaine d'années environ, il est revenu en force, très massivement. Bon, il suffit d'ouvrir Internet. Bon, d'innombrables jeunes et moins jeunes croient au complot des Illuminati, croient des manipulations, de la désinformation, ourdis dans les ténèbres par une secte plus ou moins monstrueuse, maléfique. Et il y a des braves gens qui croient cela, des gens tout à fait honorables. Alors il faut dire et redire que ce genre de représentation ou de fantasme, non seulement ne repose sur rien, mais qu'en plus, ça nourrit les plus grandes exterminations des temps modernes, de la chasse sorcière jusqu'au nazisme. Ça, s'il faut le dire et le redire, c'est très important. Sorcière, une série documentaire de Céline Duchesnay et Laurent Polleret, aujourd'hui, la chasse aux sorcières. Avec par ordre d'apparition, Robert Muchamblay, Pierre Fluckiger, Michel Poré, Marianne Clausson et Nicole Jacques Lefebvre, Nathalie Coyi, Jean-Michel Salman, Arlette Farge et Jacob Rogozinski. Lecture du procès de Miché Chaudron faite par Elina Lovenson et Richard Bouringer. Prise de son Jacques Frécy et Jean-Marie Porcher, mixage Alain Joubert,